Mariage d'intérêt, ça va j'en profiter. Yon moun doit réfléchir 10 000 fois avant de dire oui je veux. C'est plus gros erreur, yon parent capable de promettre. Dis c'est moun ça oublé, pour petit ou marié. Sans pas besoin de connaître, s'il remène, s'il pas remène. Ou contenter seulement de ça que moun a possédé. C'est ça qui cause grand pile prostitution sous la terre. Il a pour nous suspendre, mauvais défaut, ça y est. Il sait mon sang nous voulait, pour petit nous marier. Quitter amour derrière, pour nous poser l'autre question. Est-ce que mon sang grand pile bien? Est-ce que grand pile l'âge à la banque? Ça nous fait de amour, ça nous fait de sentiments. Yon mariage d'intérêt, c'est un calvaire pour petit nous. Chaque minute pour le forcer dormir, côté un monde que le paraît bien. Seulement pour faire parent plaisir, l'accepter, tribulation. Si bien amener vous faites vivre, ça ne va reprocher. C'est nous-mêmes parents qui la cause. C'est nous mêmes parents qui la cause. Qui ça nous ca reprocher? C'est nous mêmes parents qui la cause. Qui ça nous ca reprocher? C'est nous mêmes parents qui la cause. Oh. pas jamais.